بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا إن شاء الله تعالى في مقدمة لعلم التوحيد والعقيدة. فقبل هذه المقدمة سأذكر يعني بعض ما ورد في الحث على طلب العلم وتعلم دين الله تبارك وتعالى. Donc nous sommes toujours dans l'introduction à la science de l'aqida et du tawhid. Mais avant, inshallah, de commencer, je vais citer un certain nombre de textes qui ont été rapportés sur la valeur de la science et des études des sciences religieuses. طيب، فبعد ان ذكرنا في الدرس الماضي او في نعم في الدرس الماضي يعني ما الايات القرانيه التي ذكر فيها فضل العلم وفضل اهل العلم، إن شاء الله تعالى سنذكر اليوم الأحاديث النبوية في طلب العلم ومنزلته. Donc la dernière fois nous avions parlé d'un certain nombre de versets du Coran qui traitaient de la valeur de la science et des gens de science. Et aujourd'hui, إن شاء الله, nous allons évoquer certains hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم. طيب، كتب الهدي النبوي حافلة بمئات الأحاديث الشريفة التي يأمر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم ويحض عليه ويبين منزلة العلماء وشرفهم وما ينبغي لهم يتخلق به ويحرص عليه. Donc les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont, il y a des centaines de hadiths, qui parlent de la valeur de la science et dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré la valeur des savants et la valeur de la science. Et de même le comportement que les savants se doivent d'avoir. Et c'est-à-dire le prophète a aussi incité à pratiquer justement ce comportement-là et à le mettre en pratique. Puis nous avions évoqué certains hadiths que dans le Sahih al-Bukhari, il y a plus de 100 hadiths qui parlent de la science, de l'apprentissage des sciences religieuses et de l'incitation à apprendre. Fafi Sahih al-Bukhari, مثلاً, أكثر من 100 حديث في العلم وطلبه والحث عليه. حتى أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أفرد لها كتابا خاصا في صحيحه جعله بعد كتاب الإيمان وسماه كتاب العلم. À tel point que l'imam Bukhari رحمه الله a mis un grand chapitre spécifique à la science et à la valeur à la science et ce qui découle de cette science-là. Et il l'a nommé le chapitre de l'ilm. Donc ça, nous en avions déjà parlé dans le cours précédent. Et puis nous étions arrêtés au premier hadith, à savoir « Mu'awiya radiyallahu anhu, qala sami'atu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, yaqul, man yuridillahu bi khayran yufaqihu fi d-din, rawahu al-Bukhari wa muslim. » Donc, « Falfiqhu fi d-din min a'zami al-khayr illadhi yuwaffiqu Allahu ilayhi ibadahu, faman lam yuwaffaq lil-fiqhi fi d-din, fadalla thalika ala anna Allah azza wa jal, lam yurid bihi khayran afani Allahu iyyakum. » Donc, nous étions arrêtés au premier hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, selon Mu'awiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu, il dit: j'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la bonne compréhension de la religion. Donc la bonne compréhension de la religion, c'est l'un des plus grands bienfaits que qu'Allah puisse te donner. Et on comprend par là, bimafhum al-mukhalafa, par la compréhension par l'opposé, que celui à qui Allah n'a pas donné et n'a pas permis de comprendre la religion, c'est qu'il ne lui a pas voulu de bien, qu'Allah nous en préserve. Maintenant, c'est à nous de faire les efforts justement pour obtenir ce bien-là. فَعَلَيْنَا نَحْنُ أَن نَحْرِصَ عَلَى تَعَلُّمِ دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَأَن لَا نَبْقَ عَاجِزِينَ كَاسِلِينَ وَأَن نَقُولَ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ لَمْ يُرِدْ بِنَا خَيْرًا تَقَدَّمْ يعني فَاعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. Agissez et faites des actes, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites des efforts, agissez, et à chacun Allah lui facilitera la chose pour laquelle il a été créé. فَإِنَّكَ لَا لَنْ تَدْرِي يعني لا تعلم هل الله عز وجل يريد بك خيرا أو لا يريد حتى يقع الأمر. Tu ne peux pas savoir si Allah veut du bien pour toi ou te veut pas de bien, si Allah veut que tu comprennes la religion ou pas, jusqu'à ce que la chose arrive. فَتَقَدَّمْ وَاعْمَلْ وَحَرِصْ وَسَتَرَى. Donc c'est à toi de faire et d'agir, et tu verras inchallah ce qu'il en sera. Pas de te dire non, j'ai pas appris, je connais pas, donc c'est qu'Allah il veut pas de moi, il veut pas de bien pour moi. Ça tu sais pas le savoir encore, ta vie elle est pas finie. فَحَيَاتُكَ لَمْ تَنْتَهِي فَمَا دُمْتَ حَيًّا فَطَلَبُ الْعِلْمِ مِنَ الْمَهْدِي مِنَ الْمَهْدِي لَا يعني إِلَى اللَّحْدِ أو كذا كما قيل مِنَ الْمَهْدِي لَا إِلَى اللَّحْدِ أو كما قيل. Donc طلب العلم c'est depuis le berceau jusque la tombe. C'est à nous simplement de faire des efforts. طيب عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. Donc selon Abu Darda رضي الله عنه, selon Abu Darda رضي الله عنه, il dit j'ai entendu le message d'Allah صلى الله عليه وسلم dire celui qui suit un chemin pour obtenir une science, Allah lui fera suivre un chemin parmi les chemins du paradis. سلك الله به طريقا من طرق الجنة. Celui qui prend un chemin vers la science, Allah lui fera suivre un chemin parmi les chemins du paradis, jusqu'à ce qu'il entre au paradis. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. Et les anges déploient leurs ailes. On sait le comment, الكيف مجهول غير معلوم. La manière, on ne sait pas comment. Mais les anges déploient leurs ailes par modestie devant devant celui qui cherche la science religieuse et l'étudiant. Par modestie, par respect de ce qu'il fait. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ. Donc le savant qui a été anobli par Allah subhanahu wa ta'ala, yani celui qui respecte les conditions pour être un savant salih, celui-ci, l'ensemble, c'est tout ce qui est dans les cieux et sur la terre demande pardon pour lui. Ce qui est dans les cieux et sur la terre demande pardon pour lui jusqu'au poisson dans l'eau. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. Et la valeur du savant par rapport à l'ascète, c'est-à-dire celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, par les actes cultuels, c'est-à-dire la salat, le siyam et d'autres, mais qui n'a pas de connaissance, la valeur du savant qui met en pratique sa science par rapport à l'ascète qui adore Allah sans science, c'est-à-dire il n'a pas le même niveau que le savant, c'est comme la valeur qu'a la lune lorsqu'il y a la pleine lune face aux autres étoiles, face aux autres planètes à fond. Quand tu vois la lune, quand il y a la pleine lune, tu la vois bien, tu les vois les autres planètes, tu les vois quasiment pas. Donc la valeur du savant par rapport à l'ascète qui met en pratique l'ascète qui n'a pas de connaissance, c'est comme la valeur de la lune et la place qu'a la lune face aux autres planètes, on la voit beaucoup plus clairement et il est clair qu'elle a plus de valeur qu'aux autres planètes. وَإِنَّ الْعُلَمَا وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. Et certes les savants sont les héritiers des prophètes. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. Donc les savants, les prophètes n'ont laissé derrière eux comme héritage ni dinar ni dirham. وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمِ. Mais ils ont laissé comme héritage la science. فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. Celui qui prend cette science, il aura pris une chose qui a une énorme valeur. Il aura pris une chose qui a une énorme valeur. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ وَالتِّرْمِذِي وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ كَمَا قَالَ مُحَقِّقُ جَامِعِ الْأُصُولِ الشيخ عبد القادر الأرناوط رحمه الله تعالى. Donc dans ce hadith rapporté par l'imam Abu Daoud ainsi que l'imam Tirmidhi et sa chaîne de transmission est Hassan, ما هو الحديث الحسن؟ ما الفرق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح؟ لأن هي مذاكرة فقط بيننا إن شاء الله. وكل هذا الفرق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح. لا، ça c'est autre chose encore. Ça c'est le c'est autre chose. C'est un autre sujet. جزاك الله خير. صلى الله عليه وسلم. الحسن كذلك يعني حسن درجة من درجات الحديث. ولكن هناك فرق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح. فرق واحد. أن ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الراوي ثلاثة. لا، ليس كذلك. الحديث الحسن الفرق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح. كما قال الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر أن الحديث الحسن رواته أقل ضبطا من رواة الحديث الصحيح. هذا هو الفرق الوحيد. La seule différence entre le hadith al-hasan et le hadith sahih, comme l'a dit le Hafiz ibn Hajar dans Nukhbat al-Fikr, c'est que le hadith al-hasan, ses rapporteurs, leur degré de mémorisation est moindre que les rapporteurs et les narrateurs du hadith al-sahih. C'est la seule différence, inshallah. لا يعني رواة الحديث الحسن أقل ضبطا في ضبطهم لما يعني تحملوه من الحديث وحفظوه وطريقة يعني وكيف يؤدونه يعني طريقة ضبطهم أقل أو ضبطهم أقل من ضبط رواة الحديث الصحيح. Donc c'est le degré de mémorisation. Comment ils le mémorisent et comment ils le transmettent. Ce degré de mémorisation est un peu en dessous du degré du hadith al-sahih, d'accord, des narrateurs du hadith al-sahih. Mais sinon, le hadith al-hasan ou le hadith al-sahih ou le hadith al-hasan ou le hadith al-sahih, soit si on dit que le terme hadith, إذا قلنا بأن الحديث لا يعني عبارة أو لفظة حديث أو لفظ الحديث لا يطلق إلا على ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكلا الحديثين الحسن والصحيح يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le hadith hasan et le hadith sahih, les deux remontent au prophète صلى الله عليه وسلم. Donc il n'y a pas d'interruption dans la chaîne de transmission. ليس هناك انقطاع في السند. ولكن الفرق الوحيد أن الحديث الحسن رواته أقل ضبطا من رواة الحديث الصحيح. كما قال وذكره الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر في نخبة الفكر شرح نزهة النظر. دونك الحافظ ابن حجر في ان اليف دون لا سيونس دو حديث كي لا نومي نزهة النظر puis il l'a expliqué, il l'a commenté, il l'a nommé l'explication نخبة الفكر. Donc ça c'est un livre de c'est-à-dire c'est par ce livre là que celui qui par exemple qui va avoir une connaissance basique يعني من أراد يكون يعني أن تكون له دراية في مصطلح الحديث فليبدأ بنخبة الفكر كما ذكره الشيخ عبد الله السعد حفظه الله. Donc ce hadith qu'on vient de citer a été rapporté par l'imam Abu Daoud et l'imam Tirmidhi et a été jugé comme étant hassan par الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله تعالى. وفي هذا الحديث بيان التكريم العظيم الذي يناله طالب العلم. Donc dans ce hadith on voit il y a un exposé de la grande valeur, de la grande noblesse et la grande valeur qui est accordée à celui qui cherche les sciences religieuses. فالملائكة تضع له أجنحتها تواضعا وتوقيرا. Les anges déploient leurs ailes devant Talib al-Ilm par modestie et par respect de ce qu'il fait. والمخلوقات الكثيرة في السماوات والأرض والبحار والتي لا يعلم عددها إلا الله سبحانه كلها تستغفر لطالب العلم وتدعو له. Et toutes les créatures, et un grand nombre de créatures. Lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم, يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض من وإن كانت يعني من يعني إن كانت تفيد العموم إلا أن المقصود هنا الكثير ممن في السماوات والأرض ليس كل من في السماوات والأرض. واضح؟ Donc je continue إن شاء الله. Donc là, un grand nombre de créatures présentes dans les cieux, sur la terre et dans les, et dans la mer, et dont on ne connaît le nombre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande pardon pour l'étudiant des sciences religieuses. Et invoque Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur. وَيَكْفِي طَالِبَ الْعِلْمِ فَخْرًا أَنَّهُ يَسْعَى لِلْحُصُولِ عَلَى مِرَاثِ النُّبُوَّةِ. Et il suffit à celui qui souhaite, qui cherche les sciences religieuses, il lui suffit comme fierté de, qu'il est en train d'œuvrer pour obtenir l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَيَتْرُكُ أَهْلَ الدُّنْيَا لِدُنْيَاهُمْ أَلَّتِي اجْتَمَعُوا عَلَى فِتَاتِهَا وَشُغِلُوا بِحِطَامِهَا بِحُطَامِهَا وَتَكَالَبُوا عَلَيْهَا. Et il délaisse les gens de la dunya qui se sont préoccupés simplement de ramasser le bienfait de cette dunya, les plaisirs de cette dunya. طيب. Inch'Allah, on va s'arrêter ici pour ce qui concerne l'incitation et les textes qui montrent la valeur de la science et des gens de science. ونرجع إن شاء الله إلى ما قد بدأنا وهو قراءة كتاب الشيخ عبد الله القرني حفظه الله المعنون بأنوار الرحمن في إسقاط الأحكام. فالشيخ تكلم في أول كتاب عن تحقيق التوحيد ومعنى التوحيد ومعنى العبادة ومعنى الألوهية ومعنى الإله. فإن شاء الله نرجع إلى ما قد ذكره الشيخ. وكنا قد وقفنا عند يعني الفصل الذي سماه الشيخ الضرورة النفسية والشرعية للألوهية. Donc la dernière, on revient donc au livre de Cheikh Abdullah Al-Qarni, dans lequel il a mentionné un certain nombre de sujets sur le sens de l'ilah, de la divinité, de l'adoration, du fait de diviniser. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc nous avions parlé de ça auparavant. Maintenant, Inch'Allah, nous sommes arrivés à un point qui est la nécessité légale, la nécessité spirituelle d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la nécessité de l'âme intérieure, la nécessité intérieure et religieuse à l'adoration, à l'uluhiyya. قال الشيخ حفظه الله بعدما تقدم من بيان معنى الألوهية في اللغة نعلم إجمالا أن حقيقة الألوهية ولبها هو توجه القلب إلى الله وإخلاص القصد والإرادة له وحده. Donc le cheikh dit d'une manière générale, la réalité et le sens de l'ألوهية, de l'adoration, et son point central, c'est-à-dire son noyau, c'est quoi? توجه القلب إلى الله وإخلاص القصد والإرادة له وحده. Que le cœur se consacre à Allah, le recherche et le veuille lui seul et exclusivement. Que le cœur se consacre à Allah subhanahu wa ta'ala, le recherche lui seul et le veuille lui seul et exclusivement. وتعلم ضرورة ذلك للنفس الإنسانية بمعرفة أن النفس لا يمكن أن تخلو عن الإرادة بحال. أي أن نفس الإنسان لا يمكن أن توجد في حالة من الأحوال وهي لا تريد ولا ترغب في شيء. هذا من المستحيلات. Donc, maintenant, comment sait-on, comment a-t-on su la nécessité, le besoin de chacun à cette adoration? Chacun a besoin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment l'a-t-on su? La réponse est que l'âme humaine ne peut éviter de vouloir et se fixer des buts et les rechercher. Or, l'âme humaine a été prédisposée à ne vouloir et ne faire de son but réel dans la vie qu'Allah Ta'ala. Il est impossible de trouver l'âme humaine dans une de ces situations et dans un cas de figure où elle ne veut rien, où elle ne désire rien. Ça, c'est pas possible. Forcément, à chaque moment de sa vie, elle veut quelque chose. Et, انطلاقا من هذه القاعدة وتلك يقول الشيخ وتلك الإرادة لا بد لها من مراد وغاية. وتلك الإرادة لا بد لها من مراد وغاية. والنفس مفطورة على أن لا يكون مرادها وغايتها إلا الله فلا تطمئن إلا إليه. Et or l'âme humaine a été prédisposée à ne vouloir et ne faire de son but réel dans la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, cette âme ne trouvera son repos qu'auprès d'Allah. L'âme ne trouvera son repos qu'auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, il lui reste deux choix à l'âme. Soit elle s'accorde à sa fitra et recherche et se rapproche d'Allah exclusivement, soit elle dévie, préférant suivre ses penchants naturels, al-hawa, et les passions vers le shirk, vers le shirk. Donc elle a deux choix à la suite de ça. Chaque âme humaine, elle a, à chaque instant de sa vie, elle a envie de faire des choses. À ce moment-là, elle a deux choix. Soit elle s'accorde à sa fitra, à sa prédisposition naturelle, et elle recherche à se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala exclusivement, soit elle se dévie de sa fitra, elle délaisse sa prédisposition naturelle, pour choisir quoi? Pour préférer suivre ses penchants naturels, al-hawa, et les passions jusqu'à arriver au shirk, afanillah wa liyakum min. والنفس مفطورة على أن لا يكون مرادها وغايتها إلا الله فلا تطمئن إلا إليه فإما أن تخلص في قصده وطلبه وتتفق مع فطرتها هذه الحالة الأولى أن تخلص النفس في قصده من الضمير يرجع إلى من إلى الله تبارك وتعالى فأن تقصد أن تخلص في قصد الله تبارك وتعالى لا تقصد غيره لا تتوجه ولا يفزع القلب إلا إلى الله سبحانه وتعالى فإما تخلص في قصده وطلبه وتتفق في هذه الحالة مع فطرتها التي فطرت على أن لا تتوجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى هذه الحالة الأولى وهي حالة السعداء et cette situation la première qui est qu'elle s'accorde à sa fitra que l'âme s'accorde à sa fitra et recherche Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement cette fitra là cette première solution et ce premier état est la situation des gens qui ont été bien heureux en ce bas monde et dans l'au-delà wa man amila salihan min dhakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ahsana ma kanu ya'malun وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Et quiconque accomplit de bonnes œuvres parmi les hommes et les femmes, tout en étant croyants, nous allons certes leur accorder une belle vie. Et dans l'au-delà, nous les récompenserons par les meilleurs actes qu'ils accomplissaient. وَإِمَّا وَهَذِي الْحَالَةُ الثَّانِيَ وَالْإِخْتِيَارُ الثَّانِي عَفَانِ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْهُ وَإِمَّا أَن تَنْحَرِفَ عَنْهُ اتِّبَاعًا لِلْأَهْوَاءِ وَالشَّهَوَاتِ إِلَى الشِّرْكِ Soit la deuxième solution, c'est qu'elle dévie préférant suivre ses penchants naturels et ses passions vers le shirk. Les penchants naturels comme les shubuhat, les ambiguïtés et ainsi de suite. Et les shubuhat ici, c'est tout ce qui est l'excuse que l'être humain aime, l'argent, les femmes, etc. Jusqu'à arriver vers le shirk à afanillah wa iyyakum. Yaqul l'imam ibn Taymiyyah rahimahullah. إن النفس لا تخلو عن الشعور والإرادة بل هذا الخلو ممتنع فيها أي لا يمكن أن توجد النفس في حالة من الأحوال وهي لا تريد ولا ترغب ولا تشعر هذا مستحيل وهذا بل هذا الخلو أي الخلو من الشعور والإرادة ممتنع فيها فإن الشعور والإرادة من لوازم حقيقتها أي حقيقة النفس من لوازمه أنها تريد وتشعر فإن وجد من لا يريد ولا يشعر فلم تتحقق فيه حقيقة النفس البشرية ولا يتصور أن تكون النفس يعني ما ذكرته بين قوسين ليس كلام ابن تيمية يعني لما قلت فإذا وجد من لا يشعر وهو افتراض لو وجد من لا يشعر ولا يريد فهذا لم تتحقق فيه حقيقة النفس البشرية ولا يتصور أن تكون النفس إلا شاعرة مريدة أي تشعر وتريد ولا يجوز أن يقال إنها قد تخلو في حق الخالق تعالى عن الشعور بوجوده وعدمه أي لا يجوز أن يقال بأن النفس قد تخلو من الشعور بوجود الله أو عدمه لا مستحيل مستحيل أن تشعر لا بوجود الله أن لا تشعر لا بوجود الله ولا بعدمه هذا مستحيل وعن محبته وعدم محبته لا يمكن أن توجد النفس أو أن تخلو النفس من الشعور أو من محبة الله أو عدم محبته إما أنها تحب خالقها وبارئها وإما أنها لا تحبه وحينئذ فلا يكون الإقرار به ومحبته من لوازم وجودها أي إذا افترضنا أنه قد توجد النفس البشرية من غير شعور لا بوجود الله ولا بعدمه ومن غير شعور لا بمحبة الله ولا بعدم محبته فإذا صح هذا الافتراض صح أنه لا أن الإقرار بما بوجود الله تبارك وتعالى والإقرار بمحبته ليس من لوازم وجود النفس البشرية وما دام هذا الافتراض باطل فما ينتج عنه باطل كذلك واضح على كل حال هذا كلام ابن تيمية رحمه الله لنفهم يعني أحيانا ابن تيمية يرد على الفلاسفة والمتكلمين فيسلك طريقتهم ليرد عليهم واضح كم يفترض أنه إذا يعني إذا افترض أن وجود نفس بشرية خالية من الشعور ومن الإرادة ومن محبة من الشعور بوجود الله أو عدم الشعور بوجوده أي أنها قد تشعر بوجود الله وقد لا تشعر ليس هذا عفوا قد توجد في حالة لا تشعر بوجود الله ولا تشعر بعدمه لا تحب الله ولا تبغضه يعني قد توجد في حالة هي في الوسط إذا صح هذا الافتراض صح أن الإقرار بوجود الله تعالى والإقرار بمحبته ليس من لوازم وجود النفس ونحن ماذا نقول ماذا يقول أهل السنة وجود النفس البشرية والفطرة البشرية والإنسان مفطور على محبة الله والإقرار بوجوده تبارك وتعالى والإقرار بإلهيته تبارك وتعالى مجرد وجود الإنسان مجرد وجود الإنسان يعني بفطرة التي خلقها الله فيه دال على وجود الله تبارك وتعالى وعلى محبته تبارك وتعالى أي إذا ترك هذا الإنسان من غير أن تجتاله الشياطين فتحرفه وتبعده عن طريق الله سبحانه وتعالى طيب سأترجم إن شاء الله يعني ما قد ذكر سابقا فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى dit simplement il y a certains passages c'est un peu philosophique c'est pas philosophique mais c'est une manière un peu philosophique de traiter de la chose pourquoi parce qu'Ibn Taymiyyah il répond à des gens à des philosophes à des gens qui utilisent des règles des introductions rationnelles des préliminaires des introductions rationnelles pour arriver à des conclusions religieuses Ils utilisent des introductions, مقدمات عقلية للتوصل إلى حقائق شرعية. إلى حقائق شرعية. هذه هي طريقة المتكلمين. طريقة المتكلمين. Donc la voix de certains qui ont été appelés les متكلمين. C'est qu'ils utilisent des introductions rationnelles pour arriver à des réalités légales. Mais c'est pas dans tout. Parce que le Sunna aussi ils utilisent certaines fois des règles rationnelles pour arriver à des choses dans la religion. Mais à la kulli hal, inshallah, juste pour comprendre ici, la prochaine fois, je ramènerai, si Allah subhanahu wa ta'ala permet, une définition plus précise de tariqat al-mutakallimin, ou, ilm al-kalam, la science del kalam, qu'est-ce que c'est? Pourquoi je dis ça? Parce que dans ce qui va suivre des paroles d'Ibn Taymiyyah, ça peut avoir l'air un peu compliqué. Mais c'est juste pour comprendre qu'Ibn Taymiyyah est en train de répondre à des gens qui utilisent des règles rationnelles pour traiter des sujets religieux. Donc il leur répond de la même manière. Donc il dit quoi Ibn Taymiyyah, rahimahullah? Il dit l'âme humaine ne peut s'empêcher d'avoir des sentiments et de vouloir des choses. C'est impossible de trouver l'âme humaine sans qu'elle ait des sentiments. Ou de trouver une âme humaine qui ne veut rien. Dans sa vie, il veut rien. Tu veux quoi? Rien. C'est pas possible. Il ment quand il dit il veut rien. Il veut quelque chose. Il veut que tu le laisses tranquille déjà. Ça, c'est déjà une chose. Donc l'âme humaine ne peut s'empêcher d'avoir des sentiments et de vouloir des choses. Il est impossible qu'elle soit vide de ses sentiments et de volonté. C'est impossible. Car la présence même de l'âme humaine implique forcément qu'elle soit pourvue de sensations et objectif et volonté. La présence même de l'âme humaine. Dès qu'on imagine, l'âme humaine, forcément, elle a des sentiments, elle a des objectifs dans la vie, elle a des volontés. Et en aucun cas, on ne peut dire qu'il soit possible que l'âme humaine n'ait aucune sensation de l'existence ou de l'inexistence du Créateur. C'est pas possible de trouver une âme humaine qui n'a ni de sensation qu'Allah existe ou qu'Allah n'existe pas. Ou qu'il soit possible que l'âme humaine ne ressente ni d'amour, ni d'absence d'amour envers Allah. Ça c'est impossible. Soit elle aime Allah, soit elle n'aime pas. Mais dire que ni elle l'aime, ni elle n'aime pas, ça n'existe pas. Et que par conséquent, même en absence de tout obstacle opposant, ni la reconnaissance de son existence, ni l'amour de l'âme envers son créateur ne sont des nécessités même de l'existence de cette âme et cet être, c'est-à-dire de sa réalité en tant qu'être vivant. C'est-à-dire, Ibn Taymiyyah a dit donc, et que par conséquent, si cette introduction-là qu'il vient de citer auparavant, cette hypothèse, qu'il est possible de trouver une âme humaine, qui n'aime ni Allah, ni elle l'aime, ni elle l'aime pas, ni elle reconnaît, ni elle sent qu'il existe, ni elle sent qu'il n'existe pas. Si c'était possible ça, ben on pourrait dire alors à ce moment-là, que même en absence de tout obstacle opposant, c'est-à-dire la société dans laquelle on vit, parce que la société dans laquelle tu vis, elle fait de toi soit un juif, soit un chrétien, soit un laïc, soit un mouchrik, et ainsi de suite. Elle fait de toi, elle te façonne, comme dans un moule. Mais si tu étais laissé comme ça, Allah subhanahu, tu resterais sur ta fitra, sur ta nature saine. Mais dans les sociétés actuelles, c'est impossible que tu restes sur ta nature saine, parce que tu as les shayatins qui sont partout. Comme il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, j'ai créé mes serviteurs hunafa, khalaqtu ibadi hunafa. J'ai créé mes serviteurs monothéistes, c'est-à-dire, ils ne s'orientent que vers moi, ils n'adorent que moi. Fashtalatum shayatin. Les shayatins sont venus et les ont détournés. Et ils ont alors détourné du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et que par conséquent, si cette hypothèse-là est juste, qui est que il est possible de trouver une âme humaine qui n'a ni de sensation qu'Allah existe, ni de sensation qu'Allah n'existe pas, ni d'amour pour Allah, ni d'absence d'amour, si cela était possible, le résultat qui va suivre serait valable. Et la déduction qui va suivre serait valable. C'est que même en absence de tout obstacle opposant, ni la reconnaissance de son existence, l'existence d'Allah, ni l'amour de l'âme envers son créateur, ne sont des nécessités même de l'existence de cette âme et cet être. C'est-à-dire en tant de sa réalité en tant qu'être vivant. Qu'est-ce qu'il veut dire Ibn Taymiyyah rahimahullah ? C'est que dès lors que tu trouves une âme humaine, forcément, si sa fitra, sa prédisposition naturelle, elle la pousse à reconnaître l'existence d'Allah, à aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce qui se passe après ? C'est la société dans laquelle il vit qui va le façonner, le détourner du chemin d'Allah. Mais si tu laisses cette âme à elle seule, avec ce qu'Allah a mis en elle comme fitra, comme sensation, et comme prédisposition à aimer Allah subhanahu wa ta'ala, elle va adorer qu'Allah, elle ne sera pas une âme mushrika, ne sera pas une âme qui associera Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Ibn Taymiyyah a dit, il ne fait l'ombre d'un doute que cette affirmation est fausse. D'accord ? Il ne fait l'ombre d'un doute que cette affirmation est fausse, qui est que, je répète, que l'âme humaine peut être présente sans ressentir l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Si elle était laissée, bien sûr, sans obstacle, sans des gens qui vont le détourner du chemin d'Allah. Ça, c'est impossible. Car l'âme est prédisposée par nécessité depuis sa création à avoir un objectif et un but. Et le fait qu'elle veuille et cherche est une exigence même de son existence et de son être. C'est-à-dire, le simple fait que l'être humain, que toi tu existes en tant qu'être humain, forcément tu cherches des choses et tu veux des choses dans ta vie. Ça, c'est sûr. Chacun, les gens veulent du bien et certains veulent du mal. Certains veulent le chemin d'Allah, d'autres veulent le chemin du shaitan. Mais forcément, on veut et on cherche des choses dans notre vie. Et il est inimaginable que l'âme humaine n'ait pas de volonté. Ça, c'est impossible. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les noms les plus véridiques sont Al-Harith et Hammam, rapportés par Abu Daoud et Ahmed. Et ces deux noms représentent des êtres vivants, des Hayawan, des êtres vivants. Et tout être vivant bouge forcément en fonction de sa volonté. Tout être vivant bouge et agit en fonction de ce qu'il veut. Ces mouvements sont donc forcément voulus. Et qu'est-ce que veut dire Al-Harith ? Man yahrithu al-ard min nam. Man yahrithu al-ard liyazra'aha. والمقصود بالحارث هو الذي يعمل ويتحرك ويكدح ويشغل ويشتغل هذا هو المقصود بالحارث النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق الأسماء الحارث وهمام لماذا الحارث لأنه يتحرك انطلاقا من ماذا من إرادة وهمام، لأنه يهم يعني له هموم أو له همة تدفعه إلى أمور، فهي أصدق الأسماء. لا لا، أصدق الأسماء لا ليست من أسماء الله عز وجل، أصدق الأسماء أي لا لكل حال يعني ليست من أسماء الله تبارك وتعالى حاشا، ولكن المقصود أن هذه الأسماء تتحقق فيها، يعني جميع البشرية يتصفون بهذه الصفات. Et ces deux noms représentent des êtres vivants, des hayawan, et tout être vivant bouge forcément en fonction de sa volonté. Ces mouvements sont donc forcément voulus. Les mouvements de l'être humain sont donc des mouvements voulus et qui ont pour objet, finalité, de concrétiser un objectif, un but. Et si tel est le cas, tout être vivant possède une volonté, tout être vivant qui possède une volonté a nécessairement et obligatoirement un but. Si tel est le cas que tous les êtres vivants bougent et tous les êtres vivants ont des volontés, c'est que forcément ils ont un but. Et ces buts et objectifs sont soit voulus pour eux-mêmes, ou car ils sont un moyen d'arriver à une chose qui, elle, est recherchée pour elle-même. Les gens, ils travaillent pourquoi ? لماذا يعمل الإنسان ? هل للعمل ? لا, للمال. ولماذا يقصد المال ? هل لذاته لمجرد وجوده عنده ؟ أو لماذا ؟ يسعد به أو يشتري ما يشتهيه. فالمال ليس مقصودا لذاته، وهناك أمور مقصودة لذاتها، هناك أمور مقصودة لذاتها يحصل بها بعض يعني يحصل بها يعني بعض اللذة وغير ذلك، يعني أمور أخرى على كل حال. يعني إن شاء الله يعني لما يعني أذكر الكلام باللغة العربية إن شاء الله أعرض لهم إن شاء الله. Donc et ces buts et ces objectifs sont soit voulus pour eux-mêmes, ou car ils sont un moyen d'arriver à une chose qui elle est voulue et recherchée pour elle-même. Il y a des choses qui sont voulues pour elles-mêmes, d'autres parce qu'ils sont un moyen d'arriver à ces choses que tu recherches en elles-mêmes. Et tout ce qui est recherché et voulu, non pour soi, mais pour arriver à autre chose, aboutit fatalement à une chose qui elle est recherchée pour elle-même. Quelqu'un il va faire des milliers de kilomètres par exemple, parce qu'il doit aller faire quelque chose. Il a envie de faire ses milliers de kilomètres ou pas ? Il a envie. Mais est-ce que c'est la fatigue qu'il y a dans ces milliers de kilomètres qu'il cherche ? C'est pas la fatigue. Qu'est-ce qu'il cherche ? Mais d'ailleurs, seul. Il doit aller voir sa mère, par exemple. Est-ce que c'est compris ? Donc tout ce qu'on veut dans la vie se divise en deux. Soit c'est des choses qu'on veut pour elles-mêmes, soit c'est des moyens d'arriver à des choses qu'on vise pour elles-mêmes. D'accord ? Il est donc impossible que tout ce que l'homme veut et cherche derrière ses mouvements ne soit pas des objectifs en soi. Jusqu'à ce qu'Ibn Taymiyyah dise, et si comme nous l'avons vu, l'être a forcément besoin d'objectifs et de but final qu'il cherche et veut, sache donc que ce but final n'est autre que Al-Ilah, le Dieu que le cœur divinise. D'accord ? Sache donc que ce but final n'est autre que le Dieu, que le cœur divinise. Quelqu'un, toute sa vie, il court après le plaisir de l'argent, le plaisir de la célébrité. Toute sa vie. لا يصلي ولا يبالي بالصلاة ويرتكب الفواحش وكل ما يعني كل ما حال بينه يعني كل ما يعني يعني استطاع التوصل من خلاله إلى شهوته فيعني يرتكبه. لا يبالي لا بالصلاة ولا بأي شيء. المقصود الرئاسة أنه يعرف. طيب هذه الرئاسة التي يقصدها ويبذل كل ما في جهده من أجلها هي إلهه، هي إلهه، لأنها المقصودة من حياته، يعيش لها ويموت من أجلها. الذين يموتون من أجل الوطن ومن أجل القومية ويبذلون أرواحهم من أجلها، كل ما يفعلونه في حياتهم اليومية حتى المتاعب يعني المتاعب والمشقة وغير ذلك يقصدونها لا لذاتها وإنما لأنها تنصب في مصلحة رفع الوطنية والقومية التي لا تفرق بين المسلم والكافر. فهؤلاء إلههم من القومية لأنهم يوالون ويعادون من أجله، يقصدونها لذاتها. وغيرها مما هي وسائل لتحصيل هذه اللذة ولتحصيل والوصول إلى هذا المقصود، وهو رفع راية القومية والوطنية كلها وسائل لتحصيل المقصود الأعظم، وهذا المقصود الأعظم هو إلههم، ليس خالقهم، إلههم. حتى لو قالوا لا إله إلا الله واعترفوا بأن الله خلقهم، لم يتخذوا الله عز وجل إلها، اتخذوه خالقا ولم يتخذوه إلها، فأشركوا في إلهي في ألوهية الله تبارك وتعالى. Par exemple, ceux qui font de la nation et du nationalisme leur but, ils sacrifient leur vie pour ça. Ce nationalisme qui ne fait distinction ni entre le croyant, ni entre le mécréant, ni entre le muslim, ni entre le mouchrik. Son but, c'est que le nationalisme soit élevé. C'est que son parti politique ait le dessus. Et il se fatigue, il fait des efforts, il est là dans des colloques, dans des réunions. Et il aime faire ce qu'il fait, même s'il y a une fatigue dedans. Il aime prendre sa voiture, faire des centaines de kilomètres, accrocher des feuilles. Même s'il se fatigue. Pourquoi tout ça? Parce que son but, c'est ce qu'il y a derrière. C'est que son parti politique et son nationalisme soient élevés au-dessus de tout et qu'il ait la victoire. Donc il sacrifie toute sa vie pour ça. Donc c'est qui son Dieu à lui? Son ilah, c'est qui? C'est son parti, c'est son nationalisme. Même si son créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il dit la ilaha illallah, il n'a pas compris la ilaha illallah. Parce que ilah, le Dieu, c'est qui? هو الذي تأله وتقصده وتتجه إليه كما ذكرنا سابقا. الشيخ ماذا قال؟ قال وحقيقتها حقيقة الألوهية ولبها هو توجه القلب إلى الله وإخلاص القصد والإرادة له وحده. فهذا الإنسان لم يخلص القصد ولا التوجه إلى الله، بل توجه إلى غيره ورفع اسما غير اسم الله تبارك وتعالى ورفع دينا وشرعا غير شرع الله. Donc cette personne-là, le sens même de la divinité, qu'est-ce que c'est? De l'adoration, afwan. Qu'est-ce que c'est? C'est que ton cœur s'oriente exclusivement vers Allah. Et que dans tes recherches, celui que tu vises pour lui-même, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette personne-là nationaliste, c'est quoi son but? C'est quoi son but? C'est pas que la loi d'Allah soit élevée, c'est la loi du shaitan qui soit élevée. C'est pas que la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala est le dessus. Non, c'est que la sharia du shaitan est le dessus. Donc il faut bien faire la différence entre le créateur et le Dieu. Comme celui qui dit la ilaha illallah, mais qu'est-ce qu'il fait? Il combat avec les koufars contre les musulmans. Cette personne-là, si toute sa vie, il est en train d'œuvrer. Toute sa vie. Il dit la ilaha illallah, il fait salat et d'autres. Mais dans sa vie, il a fait des efforts pour quelle parole est dessus? Kalimatullah ou kalimatulladina kafaru? La parole d'Allah ou la parole de ceux qui ont mécru? La parole de ceux qui ont mécru. La parole du shaitan. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, alladina amanu yuqatiluna fi sabilillah, walladina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Ceux qui ont cru, ils combattent dans la voie d'Allah. Et ceux qui ont mécru, ils combattent dans la voie du taghut. Pas dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils élèvent la parole de qui? La parole du shaitan et du tarot et des lois contraires à la loi d'Allah. Donc ces gens-là, même s'ils disent la ilaha illallah, ils n'ont pas compris le sens de la ilaha illallah. Et ces gens-là seront dans le degré le plus bas en enfer qu'Allah nous préserve. Inna al-munafiqina fi darkil asfal min an-nar, afanillahu wa iyyakum min an-nifaq, wa aslaha Allah subhanahu wa ta'ala fasada qulubina. Qu'Allah nous préserve de l'hypocrisie et purifie c'est-à-dire la corruption de nos cœurs. Puis Ibn Taymiyyah a dit donc, sache donc que ce but final n'est autre que Al-Ilah, le Dieu, que le cœur divinise. Donc chaque serviteur a forcément un Dieu, un Ilah. Tout le monde a un Dieu. Imma Allah ou Shaitan. Soit Allah, soit le Shaitan. Donc chaque serviteur a forcément un Dieu, Al-Ilah. Chaque serviteur a forcément un Dieu, Ilah. Nous pouvons donc conclure que le serviteur est prédisposé à aimer son Dieu et sa divinité. À aimer son Dieu et sa divinité. Que sa divinité soit Allah subhanahu wa ta'ala ou que ce soit autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Fin de citation Dar al-Ta'arud al-Aql wa al-Naql volume 1 al-Mujallad al-Thamin al-Safhat al-Rabi'at al-Sittin ba'd al-Mi'at al-Rabi'at al-Khamisat al-Sittin ba'd al-Mi'at al-Rabi'at. Donc fin de citation des paroles de Cheikh Hissam Taymiyyah dans son livre Dar al-Ta'arud al-Aql wa al-Naql volume 8 page 464 et 465. Je termine inchallah en arabe. Donc Ibn Taymiyyah rahimahullah à la suite de ça dit: ولا يجوز أن يقال إنها أي النفس البأي النفس البشرية قد تخلو في حق الخالق تعالى من الشعور بوجوده وعدمه وعن محبته وعدم محبته وحينئذ أي إذا صح هذا الافتراض فلا يكون الإقرار بمحبه أي بالله سبحانه وتعالى ومحبته من لوازم وجودها وهذا ولو لم يكن لها معارض بل هذا باطل أي هذا الاستنتاج باطل وذلك أن النفس لها مطلوب مراد بضرورة فطرتها النفس لها مطلوب مراد بضرورة فطرتها أي فطرة التي فطرها الله عليها وكونها مريدة أي كون النفس تريد من لوازم ذاتها أي مجرد وجودها يدل على أنها تريد لا يتصور أن تكون نفس الإنسان غير مريدة لا يتصور أن تكون نفس الإنسان لا تريد ولا ترغب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود وأحمد رحمهم الله أصدق الأسماء الحارث وهمام وهي حيوان ما معنى حيوان أي حي الحيوان كائن كل كائن حي له ملكة تمكنه من الإحساس والتحرك بكامل جسمه أو بجزء منه كما يعني ذكر في تعريف كلمة الحيوان كل كائن حي له ملكة تمكنه من الإحساس والتحرك بكامل جسمه أو بجزء منه Donc l'être vivant, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on qualifie d'être vivant, c'est tout être vivant qui est disposé à ressentir, ce qu'on qualifie de hayawan, tout être vivant qui est disposé à ressentir et bouger avec tout son corps ou une partie de son corps. Donc la première des choses, c'est quoi ? C'est qu'il ressent et il bouge. D'accord ? Il ressent et il bouge. أصدق الأسماء الحارث وهمام وهي حيوان وكل حيوان متحرك بالإرادة كل حيوان متحرك بماذا؟ بالإرادة فلا بد لها من حركة إرادية لا بد لها من حركة إرادية وإذا كان كذلك أي إذا كان للإنسان لا بد أن تكون حركاته تنشأ من حركة إرادية داخلية إذا كان كذلك فلا بد لكل مريد من مراد كل من يريد وهو كل نفس بشرية تريد كلها لا بد لها من مراد أي شيئا تريده لا بد لها أن يكون لها مقصود فلا بد لكل مريد من مراد والمراد إما يكون مرادا لنفسه أو لغيره والمراد لغيره لا بد أن ينتهي إلى مراد لنفسه لماذا يقصد الإنسان النساء والأموال لماذا للحصول على لذة هذا هو والمراد لغيره لا بد أن ينتهي إلى مراد لنفسه فيمتنع أن تكون جميع المرادات لغيرها مستحيل أن تكون كل ما تريده في دنياك تريده لغيرها لا هناك أشياء تريدها لذاتها فإن هذا تسلسل في العلل الغائية وهو ممتنع كامتناع التسلسل في العلل الفاعلية بل أولى وإذا كان لا بد للإنسان من مراد لنفسه فهذا هو الإله الذي يألهه القلب أعيد وإذا كان لا بد للإنسان من مراد لنفسه أي شيء يريده لنفسه فهذا الذي يريده لنفسه هو الإله الذي يألهه القلب فإذا لا بد لكل عبد من إله فعلم أن العبد مفطور على أن يحب إلهه سواء كان إله حق أو إله باطل هذا بين قوسين انتهى كلامه رحمه الله من درء تعارض العقل والنقل ثم يقول الشيخ حفظه الله ولأجل هذه الضرورة النفسية التي لا ينفك عنها إنسان جاء الأمر بإخلاص التوجه والإرادة لله وحده وعدم الوقوف عند غاية غير الله وجعل هذا أصل الدين وأساسه وجعل هذا أصل الدين وأساسه فكما جعل هذا أي الإخلاص التوجه والإرادة لله وحده جعل هذا أصل الدين وأساسه فكما أنه أهم الضرورات النفسية فهو كذلك أهم المطالب الشرعية. أهم الضرورات النفسية ما معنى ذلك؟ أي أن النفس البشرية لن تستقيم ولن تسعد إلا بتحقيقه، فهو كذلك أهم المطالب الشرعية وأصلها، أي أن الإنسان لا يكون مسلما محققا لدين الله تبارك وتعالى داخلا في ولاية المسلمين وخارجا من ولاية الكافرين المشركين إلا بتحقيق هذا المطلب، وهو عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، الذي يعني مثل ذكره الشيخ بقوله إخلاص التوجه والإرادة لله وحده وعدم الوقوف عند غاية غير الله تبارك وتعالى. ثم يقول حفظه الله ورعاه: وهو حقيقة إخلاص الدين لله. فإذا سألك سائل ما هو إخلاص أو حقيقة إخلاص الدين لله، فقل حفظك الله: هو إخلاص التوجه والإرادة لله وحده وعدم الوقوف عند غاية غير الله، أي أن لا يفزع قلبك إلا إلى الله تبارك وتعالى، ولا يلتجئ قلبك إلا إلى الله سبحانه وتعالى. Puis le chef dit, hafizahullah, et en raison de cette exigence de l'âme humaine, c'est-à-dire ce qu'on a cité précédemment, que toute âme humaine cherche, veut, et forcément elle va bouger, pour réaliser ce qu'elle veut en soi, ce qu'elle recherche dans cette vie, forcément elle va tout faire pour l'obtenir. En raison de cette exigence de l'âme humaine, qu'aucun homme ne peut éviter, il nous a été ordonné de faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire en sorte qu'Allah soit notre unique objectif et but. Pour cette raison, il nous a été ordonné de faire en sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit notre unique objectif et but, et de ne jamais s'arrêter et chercher une autre finalité et un autre but qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et de ne jamais s'arrêter et chercher une autre finalité et un autre but qu'Allah. Et pour cette raison aussi, ce qui a précédé, c'est-à-dire que ton cœur ne s'oriente que vers Allah subhanahu wa ta'ala, que ton cœur ne divinise qu'Allah tabaraka wa ta'ala. D'accord ? Et que ton cœur, ton objectif principal soit qui ? Soit Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cette raison aussi, ce qui a précédé, donc ce qu'on vient de citer, est le asl de notre dîn et son fondement. Le pilier fondamental de la religion. Sans lequel la religion ne pourrait pas être réalisée. Celui qui ne réalise pas, il sera même pas entré dans l'islam. Qu'Allah nous préserve. Donc, au même titre que ce qu'on vient de voir est la plus grande des exigences de l'âme humaine. C'est-à-dire que l'âme humaine ne peut jamais obtenir son bonheur, ne peut jamais être tranquille, ne peut obtenir sa tranquillité, son repos intérieur, qu'en agissant de la sorte. Que son objectif final et son seul et unique objectif soit qui ? Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que l'âme humaine ne fait pas ça, tant que chacun d'entre nous ne fait pas ça, on ne sera jamais tranquille. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. Quiconque s'éloigne de mon rappel, il aura une vie malheureuse. Donc tant qu'on ne réalise pas ce but-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit notre seul et unique objectif, et qu'on s'oriente vers lui, et que nos cœurs s'apaisent à son rappel, tant qu'on ne fait pas ça, on ne sera jamais heureux. On aura toujours un manque intérieur, un vide spirituel, qui fera que grandir jour après jour, jusqu'à te mener des gens, qu'Allah nous préserve, au suicide, parce que ils n'arrivent plus à rester dans ce corps. Ils n'arrivent plus à rester dans ce corps, ils n'arrivent plus à vivre. Donc au même titre que ce qu'on vient de voir est la plus grande des exigences de l'âme, il représente, c'est-à-dire ce qu'on vient de citer, représente l'objectif religieux le plus important et le fondement sans lequel aucun autre point du dîn de la religion ne pourrait être accepté ou exister. C'est-à-dire que nul ne pourrait être musulman et nul ne pourrait sortir du rang des mécréants vers le rang des musulmans qu'en réalisant ce point-là. Là on parle de l'islam al-haqiqi. Là on parle de l'islam réel. Je ne parle pas de l'islam en apparence. L'islam en apparence c'est autre chose. Al-munafiq, l'hypocrite, c'est un musulman en apparence. Il a les arkan de musulman. D'accord ? Mais là, je parle de l'islam al-haqiqi, le véritable islam, sans lequel nul ne peut entrer au paradis. Donc celui qui ne réalise pas ce point-là, ne peut, sans ce point-là, aucun autre point du dîn ne pourrait être accepté ou exister. Et comme il est impossible que l'homme ne soit heureux Et comme il est impossible que l'homme ne soit heureux et reposé et vive une réelle tranquillité intérieure que par cette base de la religion, il en est de même pour l'akhirah, l'au-delà. Il ne pourra être sauvé, être heureux et obtenir le bonheur au paradis que s'il remplit les conditions suivantes. Quelles sont-elles? Vouer une soumission exclusive à Allah en l'unifiant dans son adoration à l'uluhiyya. ثم قال الشيخ حفظه الله ولهذا نعم وكما لا يمكن أن يتحقق للعبد النعيم والطمأنينة في الدنيا إلا بأن يكون الله هو مراده وغايته فكذلك لا يمكن أن يتحقق له النعيم والنجاة في الآخرة إلا بإخلاص الدين له بتحقيق توحيد الألوهية. Illa bi tahqiq tawhid al-uluhiyya. Donc le as-sa'adatu fi ad-dunya wa as-sa'adatu fi al-akhirah manutatu kilahuma manutun wa mu'allaqun bi madha bi tahqiq at-tawhid lillahi rabbil alamin bi tahqiq bi ikhlas al-ibadati lillahi wahdahu wa tawhid tahqiq tawhid al-uluhiyya wa tahqiq tawajjuh al-qalb wa ta'alluq al-qalb billahi subhanahu wa ta'ala wahdahu وأن لا يصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى. طيب. ولهذا وقع كثير من الناس اليوم في شرك الإرادة والتوجه واتخذوا بذلك معبودات من دون الله أيا كانت تلك المعبودات، لأن الإنسان لا يمكن إلا أن تكون له غاية ومراد يكدح أن يتعب إليه في حياته كدحا، أن يتعب من أجل تحصيله ويوجه إليه همه وسعيه. وكل هذا يؤكد على الحقيقة الكبرى وهي لزوم إخلاص الإرادة لله وحده. وحقيقة الأمر في ذلك هي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم، ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه، لا شيء يعطيهم الله سبحانه وتعالى في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه، ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به. وحاجتهم أي حاجة الخلق إليه أي إلى الله سبحانه وتعالى في عبادتهم إياه وتألههم كحاجتهم، وأعظم من خلقه لهم وربوبيته إياهم. أي حاجتنا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وتأليه الله تبارك وتعالى والتأله أي التعبد لله أعظم من حاجتنا إلى أن الله يخلقنا ويرزقنا ويربينا تبارك وتعالى. فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم، أي التأله والتعبد لله هو الغاية المقصودة، هي الغاية المقصودة للإنسان، وبذلك يصيرون عاملين متحركين، ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك بحال. بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات، وكان التوحيد بقول لا إله إلا الله رأس الأمر. واعلم أن هذا حق الله على عباده، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت أي معاذ: الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم. قال: حقهم أن لا يعذبهم، وهو يحب ذلك، أي أن الله يحب ذلك ويرضى به ويرضى عن أهله، يرضى بالتوحيد، يرضى بعبادة وحده لا شريك له، ويرضى عن أهل التوحيد وأهل الإيمان ويفرح بتوبة من عاد إليه من عاد من الشرك وظلمات المعاصي إلى الله تبارك وتعالى فإن الله يفرح بذلك كما أن في ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمه في التعبد والتأله لله لذة العبد لذتنا وسعادتنا ونعيمنا في ذلك في الدنيا ولذا قال بعض السلف لو يعلم الملوك ما نحن فيه لا لا لا لا ضربونا بالسيوف لو علموا ما نحن فيه لا يعني لا أنا أذكر كلامه نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن ذاق وعاش وانتهت حياته في هذه اللذة التي ذكروها قالوا لو علم الملوك ما نحن فيه لضربون عليه بالسيوف فلذة الإيمان لا شيء أعظم منها لا شيء أعظم منها طيب انتهى كلام على كل حال انتهى كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وترجمه ثم انتهي درسنا اليوم ونلتقي في موعد آخر إن شاء الله تعالى donc je vais traduire إن شاء الله le parole d'Ibn Taymiyyah pour terminer donc le cheikh dit et comme il est impossible que l'homme ne soit heureux reposé et vive une réelle tranquillité intérieure que par cette base de la religion il en est de même pour l'akhira il ne pourra être sauvé être heureux et obtenir le bonheur que s'il remplit la condition suivante. Quelle est-elle ? Vouer une soumission exclusive à Allah en l'unifiant dans son adoration. En unifiant Allah dans son adoration. C'est pas terminé. Maza qala Allahu azza wa jalla ? Qala fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ta'ammal qawlahu ta'ala fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. وفي قراءة أخرى فادخلي في عبادتي واضح فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فالدخول عفوا استغفر الله العظيم عفوا ليست قراءة أخرى بل تفسير على كل حال فادخلي في عبادي المقصود أي أن الله عز وجل لو جئنا نتدبر هذه الآية لتبين أن الدخول في صف المؤمنين دخولا دخول في عبادة الله وحده الدخول في صف المؤمنين وموالاة المؤمنين من عبادة الله وحده والدخول في صف الكافرين وموالاة الكافرين من عبادة غير الله تبارك وتعالى si on médite bien parce que l'adoration faut pas imaginer que c'est juste la salat Allah subhanahu wa ta'ala dit entre donc ô âme apaisée يا أيها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية reviens vers ton Seigneur en étant satisfait de toi-même et la je suis satisfait de toi فادخلي في عبادي rentre avec mes serviteurs c'est-à-dire que rentrer dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala que celui qui rentre avec les serviteurs d'Allah sera rentré dans l'adoration d'Allah mais celui qui rentre avec les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui rentre avec les alliés du shaitan et les serviteurs du shaitan. Il sera rentré dans l'adoration de qui ? De du shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi ? Ya bani Adam, alam a'had ilaykum alla ta'budu shaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ô enfant d'Adam, ne j'ai pas pris de vous l'engagement de ne pas adorer le shaitan, car c'est certes pour vous un ennemi déclaré. Thumma madha qala Allah azza wa jalla ? Alladhina amanu يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء من الشيطان إنك إلى الشيطان كان ضعيفا فالقتال في صف الطاغوت عبادة للشيطان c'est compris Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi ceux qui ont cru et combattent dans la voie d'Allah et ceux qui ont mécru et combattent dans la voie du طاغوت puis après il dit quoi combattez les alliés du شيطان car certes la ruse du shaitan est très faible et dans l'autre verset il dit ô enfant d'Adam n'ai-je pas pris de vous l'engagement de ne pas adorer qui de ne pas adorer le shaitan et là il dit ceux qui combattent dans la voie du ceux qui ont mécru combattent dans la voie du shaitan donc combattre dans la voie du shaitan est une adoration à qui au shaitan donc quand on dit l'adoration qu'il faut adorer qu'Allah ça ne veut pas dire juste faire sujoud pour Allah ça ne veut pas dire que ça c'est pas de jamais se retrouver dans le camp des mécréants contre les croyants parce que se retrouver dans le camp des mécréants contre les croyants هذا شرك في شرك في الموالات أو في نعم عفوا شرك في الولاء le fait d'entrer dans la, de soutenir et de se retrouver dans le camp des mécréants contre les croyants c'est du shirk dans l'alliance Allah azza wa jalla dit quoi قل أفغير الله قل أغير الله أبت قل أغير الله يتخذ وليا dit est-ce autre qu'Allah que je vais prendre comme allié فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين jusqu'à la fin du verset il dit il me fut ordonné d'être le premier de ceux qui se soumettent à Allah seul et de ne pas être et que tu ne sois jamais du nombre des mushrikin. Le shirk ici qui est mentionné c'est le shirk dans quoi? Dans l'alliance. Comment se réalise ce shirk là? C'est quand tu prends autre qu'Allah comme base d'amour et de haine. Tu t'allies, tu te désavoues. Ou que tu te retrouves dans le rang des mécréants contre les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu les aides même par la moindre des choses. Tu te retrouves à ce moment-là comme un associateur et tu auras adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un shirk auquel il faut faire très très attention. Le shirk, quand on dit l'adoration d'autre qu'Allah, c'est pas simplement la prosternation. Là, il y a d'autres formes. Le seul qui mérite le droit de légiférer, c'est qui? Celui qui a le droit absolu de légiférer, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Haqq al-tashri' al-mahd, haqq afan. Haqq al-tashri' al-mutlaq lillahi wahda. Le droit de législation absolue appartient à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc si jamais tu reconnais ce droit-là autre qu'Allah, qu'est-ce que tu auras fait? Tu auras associé à Allah. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا dit est-ce autre qu'Allah que je vais prendre comme حَكَم comme juge suprême alors que c'est lui qui vous a révélé le livre détaillant toutes choses. Comme il a dit dans l'autre verset, قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيَّ dit est-ce autre qu'Allah que je vais prendre comme allié. Là il a dit est-ce autre qu'Allah que je vais prendre comme juge suprême. Donc comme tu n'as pas le droit de prendre un autre qu'Allah comme allié, c'est-à-dire tu t'aimes et tu te désavoues pour lui, ton alliance et ton désaveu tu le voues pour lui, tu le soutiens contre les croyants, comme tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de prendre autre qu'Allah comme juge suprême. Donc si tu prends autre qu'Allah et que tu dis c'est cet autre-là, cette chose-là, ce qu'elle décide que c'est halal, c'est halal, et ce qu'elle décide que c'est haram, ce sera haram. Ça c'est du quoi? C'est du shirk dans l'ibad, aussi dans l'adoration. Mais c'est du shirk dans quoi? Dans le hakimiyya. Certains te disent ce terme-là, le hakimiyya, là, on n'a pas le droit d'utiliser parce qu'il n'a pas été. Allah ne s'appelle pas le hakim, mais il s'appelle le hakam. Là, on dit à ce moment-là, il y a pas. Si c'est juste un mustalah, c'est une terminologie. La mushahata fil istilah wa ba'd ahli al-'ilm, مثلاً تجاوزوا كاسم الحديث المعلل. لا يقال الحديث المعلل هو خطأ يعني لغوي. ولكن تجاوزوا وقالوا الحديث المعلل. المقصود يعني تجاوز وقبلوا هذا المصطلح لأن المقصود حقيقته فدونك سكي تغتنير سكو celui qui associe Allah subhanahu wa ta'ala dans son alliance, dans l'alliance il prend autre qu'Allah comme allié où il va s'allier, se désavouer pour lui ou celui qui associe autre qu'Allah dans le jugement comme ceux qui reconnaissent aujourd'hui le droit à la majorité parlementaire de dire c'est ce qui est permis et ce qui est interdit comme ceux qui rentrent dans les parlements, dans les pays arabes, et d'autres, même dans les pays, dans le monde musulman aujourd'hui, ceux qui rentrent dans les parlements, et acceptent ce principe-là, que ce que la majorité parlementaire va décider, c'est ça qui sera permis. Et ce qu'elle va permettre, c'est ça qui sera permis. Ce qu'elle va interdire, c'est ça qui sera interdit. Tout ça, c'est du shirk. Qu'Allah nous en préserve. Donc, je continue les paroles du shirk, il dit, la base pour être heureux en ce bas monde et dans l'au-delà, c'est de vouer une soumission exclusive à Allah, en l'unifiant dans son adoration. Et on a vu l'adoration, c'est pas que le sujoud. C'est pourquoi on voit aujourd'hui un grand nombre de gens qui sont tombés dans le shirk dans la volonté. En prenant à cause de ce shirk présent dans leur cœur, des êtres qu'ils ont adorés en dehors d'Allah. Quels que soient ces objets d'adoration. Donc il veut que quelqu'un le rapproche d'Allah. Qu'est-ce qu'il fait? Il va sacrifier pour lui. يذبح له ويقدم له القرابين من أجل أن يقربه إلى الله سبحانه وتعالى فهو قصده وجعله في منزلة الإله فقدم له القرابين جعله في منزلة الله سبحانه وتعالى من أجل أن يقربه إلى الله تبارك وتعالى car l'être humain ne peut s'empêcher d'avoir un but et un objectif qu'il s'efforcera dans sa vie de réaliser et de consacrer tous ses efforts et ses préoccupations en vue de réaliser ce but. Et tout ceci ne fait que confirmer la grande vérité qui est le devoir de vouer une volonté exclusive à Allah en faisant qu'Allah soit notre seul but final et la seule chose qui nous la seule chose que nous efforcerons de concrétiser dans cette vie, soit c'est-à-dire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire la chose qu'on va s'efforcer de réaliser, c'est l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et de cette manière-là, on aura pris Allah comme divinité. La réalité, comme le dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ils disent, donc c'est la parole par laquelle on va clore le cours, il dit Allah n'a créé la création que pour l'adoration. Cette adoration qui réunit la connaissance d'Allah, le retour sans cesse vers Allah, l'inaba, mahabbatullah, son amour, la sincérité et l'exclusivité des actes à Allah seul. Donc je répète, il dit Allah n'a créé la création que pour son adoration. Cette adoration qui réunit la connaissance d'Allah, le retour sans cesse vers lui, son amour, et quatrièmement, la sincérité et l'exclusivité des actes à Allah seul. Car c'est en se rappelant d'Allah que le cœur s'apaise. C'est en le voyant dans l'au-delà que le plaisir de l'âme atteindra son apogée. C'est en le voyant dans l'au-delà que le plaisir de l'âme atteindra son apogée. Et dans l'au-delà, Allah ne donnera pas une chose plus chère et plus aimée aux hommes que de leur permettre de le voir. C'est le plus grand plaisir qu'il puisse y avoir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te permette de le voir. Et le pire des châtiments qu'il puisse y avoir pour les gens de l'enfer, c'est qu'Allah les empêche de le voir et ne leur adresse pas la parole. فنسأل الله تبارك وتعالى لذة النظر إلى وجه الكريم والشوق إلى لقائه من غير ضرر مضر ولا فتنة مضلة. Et en ce bas monde, il ne saurait leur offrir. Allah n'offre une plus grande chose que la foi en lui seul. C'est le plus grand bienfait qu'Allah puisse te donner. Que tu adores Allah, que tu lui donnes aucun associé. Que tu t'allies aux alliés d'Allah et que tu te désavoues des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu ne les aides jamais contre les musulmans et que tu ne prennes pas autre que l'islam comme source d'amour, c'est-à-dire comme base par laquelle tu vas distinguer entre ton allié et celui qui n'est pas ton allié, comme le font les nationalistes aujourd'hui et les communistes et autres. Et leur besoin de l'adorer, le besoin des créatures d'adorer Allah et le diviniser est pareil et même plus grand que le besoin de le créer et que le besoin de les créer et qu'ils soient leur Seigneur. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on a besoin qu'il nous crée. On a eu besoin de ça. Et que dans la vie de tous les jours, on a besoin qu'il s'occupe de nous. On a besoin qu'il nous donne ce dont on a besoin, ce que l'on cherche dans cette vie. Mais ce besoin-là que tu as, il est moins grand que le besoin de ton âme à adorer Allah. Parce que si tu n'adores pas Allah, tu seras un être, tu seras vivant aux yeux des gens, mais en réalité tu seras mort. Ton âme sera morte comme si ton corps sera vivant. Tu seras un cadavre qui marche dans la rue. Qu'Allah nous en préserve. Car cette ouloui et cette adoration représentent le but et l'objectif même de leur existence. Et c'est ainsi seulement que les hommes profiteront de leurs gestes et mouvements dans ce monde. C'est ainsi seulement qu'ils profiteront de leurs gestes et mouvements dans ce monde. Et en aucun cas ils ne peuvent réussir, être heureux et goûter au réel plaisir sans réaliser ce but. Au contraire, celui qui s'éloigne du rappel de son Seigneur aura une vie malheureuse et il sera ressuscité dans l'au-delà. Et on le ressuscitera dans l'au-delà le jour dernier aveugle. Qu'Allah nous la préserve. Ce qui explique pourquoi Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Et il pardonne en dessous de ça à qui il veut. Et c'est pourquoi la ilaha illallah est la plus grande des hasanat. Et que le tawhid qui se réalise par la parole la ilaha illallah est la tête de l'édifice. L'édifice de l'islam, sa tête c'est quoi? C'est la ilaha illallah. Et sache que ceci est le droit d'Allah sur ses serviteurs, qu'il l'adore et ne lui donne aucun associé, comme on le voit dans le hadith sahih rapporté par Mu'adh ibn Jabal, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a dit, « Ya Mu'adh, sais-tu quel est le droit des serviteurs? Quel est le droit d'Allah envers ses serviteurs? » Il lui a dit, « Allah et son messager savent mieux. » Ça on le dit à l'époque, quand il était vivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque du prophète, plus maintenant. Il dit, « Allah et son messager savent mieux. » Il lui a dit qu'il l'adore et ne lui donne aucun associé. Puis lui a dit à Mu'adh, sais-tu quel est le droit des serviteurs sur Allah, c'est-à-dire ce qu'Allah s'est engagé de faire si jamais eux font cela? Il a dit, Allah et son messager savent mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il ne châtie pas ceux qui ne lui donnent pas d'associés. Et Allah aime ceci, aime le tawhid et l'agrès et accorde sa satisfaction, c'est-à-dire il est satisfait de ceux qui le pratiquent, c'est-à-dire les gens du tawhid, les musulmans, les croyants. Il se ravit du repentir de celui qui y revient, qui revient vers le tawhid, même s'il s'est égaré dans les ténèbres et l'obscurité du shirk et de l'association et de l'alliance aux ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de toute forme de shirk qu'Allah nous en préserve. Il se ravit du repentir de celui qui y revient, sans oublier que le serviteur y trouvera son plaisir, son bonheur et son bien-être. C'est dans le tawhid que le serviteur trouvera son bonheur, son plaisir et son bien-être. Intaha kalamuhu rahimahullah, fin de citation. Majmou al-Fatawi, volume 1, page 23 à 25. Et ici se termine le cours d'aujourd'hui. Nous sommes toujours donc dans une série de cours, c'est une introduction. C'est des introductions à la aqida, pour qu'on ait des notions claires sur la croyance. Là, on est toujours en train de parler du sens de ilah, al-ilah, la divinité, le dieu, le sens de l'adoration. Et après, à la suite de ça, on fera suivre ces cours-là par d'autres cours, inshallah ta'ala. Donc ce cours est le troisième dans l'introduction à la aqida. وبارك الله فيكم صلى الله تبارك وتعالى لي ولكم حسن الخاتمة صلى الله تبارك وتعالى يصلح فساد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه